chapitre 13, où il est démontré que les odeurs font mal. Madame de Neyburg continuait toujours à rendre visite à Adrienne. Celle-ci ne doutait plus de la méchanceté de la baronne, mais elle ne voulait pas rompre entièrement avec elle. Pourquoi ? Une certaine fatalité la contraignait-elle à rester sous l'égide de cette femme inique ? La jeune femme amoureuse cherchait vainement dans son esprit quel pouvait être le but des méchancetés de cette prétendue amie. Olympe de Neyburg était-elle jalouse de Gaston ? Cela ne se pouvait. Était-elle jalouse d'elle, Adrienne, qu'elle avait choyée à son apparition et qu'elle avait, pour ainsi dire, lancée ? Un soir, la baronne, qui était venue voir Adrienne, se trouva avec elle dans sa chambre. Gaston reposait dans la pièce contiguë, la garde-malade était heureuse, son malade était hors de danger. La conversation entre les deux amis avait été encore plus gaie que de coutume. Tout d'un coup, Madame de Neyburg en changea le cours par cette brusque apostrophe. « À propos, que dites-vous de la rencontre de Monsieur de Chénois et de Gaston d'Erfurt ? Avez-vous vu le blessé depuis l'événement ?»« Il est venu me voir, mais heureusement la blessure n'aura pas de suite, » répliqua Adrienne en rougissant. « Je m'en doutais, car bien que vous en disiez, Monsieur de Chénois est un galant homme, et n'aurait pas voulu tuer un pauvre garçon. Il s'est battu parce qu'il y était obligé. Mais entre nous, ce duel ne peut être profitable qu'au journaliste. Dans sa position, un petit éclat fait parler de soi, et c'est tout ce qu'on l'on demande aujourd'hui. Puis Monsieur de Chénois est riche, il s'en condamne à une amende, et mon Dieu, une centaine d'écus est toujours bienvenue chez ces pauvres écrivains. » La duchesse porta la main à son cœur, elle sentait le sanglant outrage. « Savez-vous, baronne, que vous êtes méchante ?» Adrienne eut voulu être mordante, il n'y avait qu'une larme amère dans sa paupière. « Vous êtes tellement bonne, » répliqua Olympe, en prenant les deux mains de la jeune femme, « que nous autres, auprès de vous, nous pouvons passer pour des furies. Adrienne, j'aime Monsieur d'Erfurt parce que vous l'aimez, mais je lui en veux un peu d'avoir changé votre caractère. Depuis que vous le connaissez, vous n'êtes plus la jolie rieuse d'autrefois. Vous croyez ?» Si je crois, on vous prendrait pour une des filles revenues de la Souabe, n'était la distinction. Il ne reste de la Parisienne que la divine tournure, ma belle. La duchesse s'efforça d'être gaie, et elle réussit, puis, par contrainte, malgré la douleur qu'elle ressentait dans son cœur, elle essaya même d'être épigrammatique. Pauvre femme, toutes ces tentatives soutenues par les nerfs ne servaient qu'à convaincre davantage celle qui l'écoutait, qu'elle était à jamais perdue pour le monde et que l'amour avait gagné la partie. À quelques jours de là, le médecin affirma que le blessé pouvait être transporté sans inconvénient. À cette heureuse nouvelle, Adrienne sentit ses yeux se remplir de larmes. Le médecin du corps comprit ce qui se passait dans son âme. « Vous l'aimez bien, madame, » lui dit-il. « Confiez-vous à moi comme à un confesseur. Nous autres médecins, nous avons tant de secrets. Votre malade doit quitter l'hôtel. » Et vous savez pourquoi. Pourtant, rassurez-vous, je lui continuerai mes soins, et lorsqu'il sera rétabli, il reviendra vous voir en étranger, pour le monde seulement, ajouta-t-il en souriant. Nous fêterons sa guérison par un bal, comme vous savez en donner, et donc, comme toujours, vous serez la reine. Adrienne eut volontiers embrassé le docteur. Allons, ma bonne enfant, je puis vous donner ce nom, je suis déjà vieux. À demain, et surtout que le convalescent ne soit plus ici. Le lendemain, à midi, la duchesse fit atteler son coupé bleu. Gaston l'avait demandé. On était au mois d'avril, le temps était beau, l'air était tiède et rempli des vitales et douces aspirations du printemps. Adrienne fit placer le blessé dans un des coins de la voiture et se mit à côté de lui. On avait fait fermer les vitres. Gaston demanda à ce qu'elles fussent baissées afin d'aspirer l'air. Elle lui tenait les mains et le contemplait comme une mère regarde son enfant qui vient d'échapper à une maladie mortelle. Leurs fronts se rapprochaient souvent. Gaston regardait le soleil matériel, puis elle, son soleil vital, et ils vivaient d'un amour extraterrestre. Gaston comprenait toute l'immensité du cœur de la femme qui s'est aimée. Il voyait le fond de ce cœur, abîme de dévouement, et contre lequel on déblatère parce qu'on ne l'a jamais rencontré ou qu'on l'a méconnu. Les chevaux allaient au pas. Les deux amants crurent qu'ils avaient dévoré l'espace, quand ils virent la voiture s'arrêter rue Neuve des Petits Champs, numéro 6. Le temps semble si court quand on aime, et quand on est avec l'objet aimé. Le monde s'efface, puis l'on se trouve si heureux de l'oublier. cette observation ne vient point à l'esprit des amoureux absorbés par une mutuelle contemplation et inondés de ces effluves d'amour, ce grand dispensateur des fluides magnétiques. Adrienne monta au troisième et installa Gaston dans cette petite chambre, désormais sanctifiée par sa présence. La duchesse faisait l'effet d'une petite couturière qui, pour la première fois sortie de chez sa mère, entre dans la chambre d'un amant. Elle regardait tout dans cette modeste officine de travail. Elle changeait les livres de place, mettait un peu d'ordre par-ci par-là. Elle trouva la chambre froide, pas pour elle, mais pour son cher aimé. Elle alluma du feu. Ses blanches mains, qui n'avaient touché que dentelle et soie, semblaient tout heureuses de chercher le bois et de se noircir au charbon. Gaston la regardait et ne parlait pas. « Dis donc, mon cher cœur, que je ne sais pas faire le ménage pour la première fois de ma vie. » Adrienne riait, allait et venait. De temps en temps, elle s'approchait de Gaston, le baisait au front en lui disant « Il faut bien que vous payiez votre femme de ménage. » Tous ces riens qui laissaient voir à nu le cœur de la femme aimante ne sauraient être écrits. Il faut les avoir éprouvés pour les comprendre. Au moment de partir, Adrienne devint triste. Elle jetait un œil distrait et furtif sur tous les objets. « Qu'as-tu donc, cher ami ?» lui dit Gaston en l'attirant sur son cœur. « Je suis un peu jalouse. Et de quoi ? Je voudrais savoir si jamais il est entré une femme ici. Jamais. Et d'ailleurs, s'il était venu une femme, il n'est jamais venu d'ange me visiter. Gaston, je suis heureuse. Jamais de ma vie je n'ai passé une aussi belle journée. Pourquoi le bon Dieu a-t-il fait les bons jours si courts ?»« Pour ne pas en abuser, » dit mélancoliquement Gaston. « Tu as raison, car je crois que l'amour peut tuer. » Elle baisa son âme en front et s'enfuit. Gaston n'était pas aussi hors de danger que le docteur avait bien voulu le dire à Adrienne. Aussi, le lendemain, celui-ci lui défendit-il toute imprudence, sinon qu'il ne répondait plus de lui. Le docteur portait chaque jour à l'hôtel des nouvelles du malade. Une semaine après, vers 10 heures, Gaston entendit frapper à sa porte. Une jeune femme, en robe de laine grise, vêtue comme une demoiselle de magasin, entra. Le blessé, qui était au lit, se mit sur son séant et regarda l'inconnu qui s'approchait de lui. L'inconnu releva son voile. Il reconnut Adrienne. « Oui, c'est moi, » dit la jeune femme sans attendre qu'il l'interrogeât. « Je suis une petite ouvrière de Madame de Bussiardin qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Mais comme elle veut que je lui rende un compte exact de l'état de son cher malade, je vais prendre la liberté d'ôter mon chapeau et de m'installer auprès de vous. » Adrienne s'était débarrassée de son petit châle. C'était la plus charmante jeune fille sortant d'un pensionnat, au front pur et au regard plein d'espérance pour l'avenir. « Comme tu m'aimes. » « Parce que je suis en petite robe grise. Il y a bien de quoi, vraiment. Et que dirais-je de toi, mon bien-aimé, qui a failli mourir pour moi ? Mais ce n'est pas cela qui fait que je t'idolâtre. Je t'adore parce que je t'ai vu, parce que tu es bon, parce que Dieu a dit « ce sera ». Qu'as-tu à répliquer ? Serais-tu là d'être trop aimé ? On dit qu'il y a des hommes que l'amour trop vif d'une femme finit par fatiguer. Mais ce n'est pas toi, n'est-ce pas ? Cela blasphème. Ils méconnaissent ce don de Dieu qu'on appelle l'amour. Il faudra, je crois, que ces gens-là soient bien purs pour qu'il leur soit pardonné. » Adrienne venait tous les jours passer quelques heures auprès du malade qui sentait ses forces renaître à chaque heure, surtout lorsqu'elle était là. « Il va falloir, monsieur, fêter votre rétablissement, » lui dit-elle un jour. « Je donne à cette occasion une petite fête dans 8 jours. » Le docteur, qui ne venait plus voir Gaston, lui avait affirmé qu'elle le pouvait. « Que dites-vous de ce petit projet ?»« Je dis, Adrienne, ce que tu disais l'autre jour, que l'amour pourrait bien tuer. »« Fi, le vilain mot !» repartit-elle en mettant sa jolie main blanche sur la bouche de son amant. « L'amour tue, mais nous autres pauvres femmes seulement !»« Je vais être quelques jours sans venir, afin que vous éprouviez plus de joie lorsque vous me reverrez après une si longue absence. » Pour la première fois, Gaston reconduisit sa garde-malade jusqu'à la porte. Adrienne prépara un bal charmant, lança un nombre infini d'invitations. Le monde officiel, le monde artiste, les étoiles des salons, rien ne fut oublié. Le matin du jour tant désiré, Adrienne, en peignoir blanc, était descendue au jardin. Elle émiettait du pain au cygne qui nageait dans la pièce d'eau lorsqu'on vint lui apporter un journal et un billet bordé de noir. Elle laissa le journal et ouvrit le pli. La duchesse pâlit. Le valet qui s'en retournait entendit un bruit dans la pièce d'eau. Adrienne venait d'y tomber. Le fatal billet était resté sur la pelouse. Jenny, accourue au cri des domestiques, le ramassa et lut ces mots. « Les rédacteurs de l'Espérance ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne de M. Gaston d'Erfurt, leur collaborateur. » Quand Adrienne reprit ses sens, elle était dans son lit, entourée du docteur qui avait soigné Gaston et de Jenny. « Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé le rejoindre ?» fut son premier mot. « Le billet, où est-il ?»« Perdu, » répondit le médecin qui voulait éviter une émotion. « Je veux le lire encore, » dit la duchesse, avec un geste impératif auquel on ne put pas refuser. Jenny le donna. « Non, je n'y crois pas, » fit-elle. « Docteur, connaissez-vous Madame de Neuburg ?»« Oui, madame. » « Regardez ce billet, sentez-le. Il est parfumé. »« Eh bien, ce parfum, cette odeur maudite, cette odeur de verveine, c'est le parfum de la baronne, comprenez-vous ?»« Mais ce n'est pas possible. Gaston n'est pas mort quand vous l'avez quitté. Quand je l'ai quitté, il était guéri. Docteur, faites ce que je ne puis faire. Allez, ramenez-le. »« Mon enfant, je ne puis vous abandonner dans un tel état. » « Et que m'importe mon état? Ce qu'il me faut, c'est Gaston. Allez !»« Infortuné, j'y ai envoyé. » Qu'a-t-on dit? Qu'il s'était trouvé plus mal la nuit du jour où une jeune personne était venue le voir. On l'a enlevé le surlendemain en voiture, et l'on n'en a plus entendu parler. C'était donc vrai? Mais non, cela ne peut être. Dieu est bon, et ce journal en parle-t-il? La Gazette des étrangers contenait un entrefilet signé Narsac avec quelques lignes d'éloge sur celui qu'on ne craignait plus. « Je veux mourir !» s'écria Adrienne avec un accent de délire. « Peut-être y a-t-il encore de l'espoir ?» hasarda le docteur qui n'en conservait plus, mais que le désespoir de la pauvre femme désolait. « Mon véritable ami, » dit-elle en s'emparant des mains du médecin, « vous le retrouverez et je serai sauvé. Puis nous perdrons cette femme. » Cependant, elle n'aurait pas inventé cela. « Jenny, brûle ce billet. Cette odeur me fait mal. Oh, comme j'ai reconnu immédiatement qu'il venait d'elle !» Elle a voulu être la première à me frapper au cœur, mais dans quel but? Je ne lui ai jamais fait de mal. Gaston, mon Gaston, viens donc. Nous allons aller au bois ensemble, dans ce petit coupé bleu que tu aimes tant. Elle avait le délire. Les quelques mots sans suite de la malade donnèrent à réfléchir au docteur. Il pensa à une trame infernale. Il prescrivit une potion calmante et sortit. « Je vous le ramènerai, » cria-t-il, en s'en allant à la duchesse dont les idées lucides étaient revenues. « Jenny, ma bonne Jenny, habille-moi. Il faut que je pense au bal pour ce soir. D'ailleurs, il va peut-être venir avant. Je veux qu'il me trouve bien belle, bien belle. » La petite fleuriste pleurait. Elle eut grand peine à maintenir Adrienne dans son lit.